Bonjour tout le monde, est-ce qu'un autre jour est possible en ce lundi 23 mars ? Réveillez-vous, réveillons-nous, on n'a pas le droit de désespérer. Oui, plus que jamais, un autre jour est possible. À 6h30, les premières informations et la matinale de Marc Ouinchet consacrée aux résultats du premier tour des élections départementales. Mais pour l'heure, on prend du recul pour parler de culture. C'est votre réveil culturel avec un autre rendez-vous à ne pas manquer le week-end prochain, la 11e édition du festival Quai du Polar à Lyon, qui fêtera cette année aussi les 70 ans de la série noire de Gallimard. Et à cette occasion, toute cette semaine, on parlera en première partie de l'émission du polar dans tous ses états, en partenariat avec Marianne et en compagnie d'Alain Léautier qui sera avec nous dans quelques secondes. Alain Léautier qui a coordonné un beau numéro hors série consacré au polar. Et en deuxième partie, je recevrai l'historienne Ludivine Bantigny pour ouvrir sur notre antenne une semaine consacrée au thème « Les médias à l'école ». Service. Hello, my name is Dick Halloran. I'm the head chef up at the Overlook Hotel. Good evening, Mr. Halloran. What can I do for you? Sir, I've been trying to make an urgent phone call up there, but the operator said that the phone lines are down. Yeah, I'm afraid a lot of lines around here are down due to the storm. And with the storm and everything, I'd sure appreciate it if you'd give them a call on your radio just to see if everything's okay. I'll be glad to do that, sir. Why don't you call me back in about 20 minutes? Thank you very much. I'll do that. All right, sir. La mondialisation du polar. Parce que ça y est, le genre est maintenant mondialisé. En réalité, on pourrait peut-être jouer sur un petit paradoxe quant aux origines de ce qu'on appelle aussi la littérature policière. C'est qu'en réalité, elle est très anciennement mondialisée, mais très brièvement aussi. Le premier polar, on ne le sait peut-être pas, il est chinois. C'est un texte, les familiers connaissent les enquêtes du juge Ti. C'est un texte très ancien, du 8e siècle, qui comptait les enquêtes de ce magistrat chinois dans l'Empire, qui ont été utilisées bien plus tard par un Hollandais. On est là aussi dans la mondialisation précoce. Robert Van Gulik, les familiers le connaissent, les fameuses enquêtes du juge Ti. Et donc, à partir de 1949, et pendant plusieurs décennies, Robert Van Gulik a publié ses très anciennes enquêtes du juge Ti. Bon, ceci dit, il est d'usage de considérer que, très longtemps, le polar a été essentiellement occidental, français, américain et anglais, selon des modes d'expression différents. En Angleterre, ça a été longtemps le règne de ce qu'on appelle le « who done it, who has done it », le polar de logique. Aux États-Unis, à partir du milieu du dernier siècle, est apparu plutôt le roman noir. Et la France a toujours été un petit peu à la synthèse des deux. Mais la mondialisation du polar, elle est réelle concrètement, pratiquement, géographiquement, depuis une vingtaine d'années. Il n'y a pratiquement pas aujourd'hui un pays sur les cinq continents qui n'ait pas son ou ses auteurs de polar dans des genres très différents qui peuvent être, on en parlera peut-être... plus tard dans cette série d'émissions, le thriller, le polar d'investigation, le polar psychologique, le polar historique, le noir, etc. etc. Le phénomène le plus flagrant ces dernières années a été l'émergence, alors cette fois toujours dans la vieille Europe, du polar scandinave, qui a été... Avec le succès que l'on sait. Avec le succès colossal du fameux Millennium de Stieg Larsson, auteur décédé peu après la publication du premier volume, et le succès également extrêmement important d'un auteur comme Henning Mankell. Mais il y a bien d'autres auteurs en Suède. Nous en passons quelques-uns en revue dans le Hors Polar de Marianne. Un des auteurs majeurs de la série noire aujourd'hui, dans sa nouvelle version, Vous en parlerez également plus tard dans cette série d'émissions, dans la nouvelle version dirigée par Aurélien Liamason, est un Norvégien, Jonas Bo, qui a un succès extrêmement important en France. Il y a des auteurs plus confidentiels, l'Islande, Indridason, qui est également un des grands auteurs contemporains du polar. Bref, ce qu'on a appelé la vague du polar nordique et qui a été très bien capté en France, notamment par la maison d'édition qui avait publié Stieg Larsson, Actes Sud, qui a on peut dire, qui a assuré son devenir pour quelques années avec les, je crois, 3 millions de volumes entre les grands formats et les livres de poche. Nous avons donc ce polar scandinave, mais si on se déplace vers les États-Unis, fief traditionnel de la littérature policière, le réservoir est absolument infini. Que ce soit sur la côte ouest, avec celui qui est considéré un petit peu aujourd'hui comme un des grands écrivains américains contemporains, James Ellroy, sur la côte est avec un garçon comme Denis Lehane, si on descend vers le sud avec James Lieber, qui est d'origine texane, mais dont la plupart, dont une bonne partie des enquêtes, enfin des livres centrés autour du personnage du détective David Robichaud se déroule en Louisiane. Il y a également une littérature assimilée à ce qu'on appelle le Southern Gothic, qui raconte plutôt, alors là, l'Amérique du white trash dans les montagnes des Appalaches, dans les coins perdus du sud des États-Unis. Voilà, le réservoir sur le continent américain est infini. Il est également infini, on en parlera un petit peu plus tard, sur le continent sud-américain, où la littérature policière de genre est aujourd'hui la plus lue. Mais nous avons également, et nous en reparlerons, je le sais, au cours de cette émission, l'émergence d'auteurs sur le continent africain, blancs, en Afrique du Sud, mais il y a également des auteurs aujourd'hui au Nigeria, en Afrique de l'Ouest francophone. Nous avons des auteurs également en Australie, des auteurs en Inde, notamment, et c'est intéressant, des femmes, dont pour lesquelles la littérature policière est un moyen de venir en aide et en solidarité avec les millions de femmes indiennes soumises à un statut de deuxième ou de troisième classe. Vous voulez dire un polar social, donc ? Mais polar social, polar de critique sociale, polar réaliste ou utilisant d'autres modes d'expression narrative et littéraire, mais qui en tout cas de plus en plus s'ancre dans effectivement les réalités de tous ces continents, utilisé comme une arme de combat ou utilisé simplement comme un vecteur de dévoilement du réel, y compris quitte à en jouer, parce que il ne faut pas réduire le polar contemporain, le polar mondialisé, à un simple travail de détective ou à une pure description mécanique du réel et de la réalité. Très bonne question. Alors, quels sont les codes du polar ? Les codes du polar, ils sont infinis. Ils sont infinis, variables, invariables aussi. Tous les grands auteurs de littérature policière ou ayant approché la littérature policière ont édicté leur propre code. Je pense à Borges, qui avait édicté de manière aussi fantaisiste que sérieuse 19 règles devant conduire la narration policière. Mais ceux de Conan Doyle sont différents, ceux du roman noir sont différents. Il n'y a pas une sorte de table des matières, de table des lois plus exactement, qui soit à jamais validé. Justement, ce qui est passionnant dans la littérature policière, c'est qu'elle n'a cessé de créer ses codes, de les réinventer, de les contester, d'en jouer, de les assumer, parce que c'est une contrainte formidable, comme d'ailleurs pour certains auteurs étant entre la littérature blanche et la littérature noire. Je pense à un garçon comme Jean-Bernard Puy en France, qui est un oulipien, donc qui sait parfaitement ce que veut dire jouer avec les codes, s'en amuser et faire de la contrainte une richesse et une ouverture. Donc c'est difficile de définir une table des lois figée dans le temps. Mais par exemple, Alain Léautier, quand vous nous dites qu'il y a un roman policier, un genre de polar qui est en train de faire fureur en Inde et qui est porté par des femmes, devrais-je imaginer une Agatha Christie à New Delhi ou à Bombay, ou c'est plutôt une Virginie Despentes qui raconte à partir d'intrigues policières la société indienne ? Franchement, ni Virginie Despentes, ni Agatha Christie. Mais je pense qu'il y a deux auteurs féminins qui sont d'ailleurs publiés en France et qui sont à la base des journalistes qui ont utilisé le genre policier, qui est un genre facile, commode, accessible au plus grand nombre, pour effectivement s'inscrire dans la réalité. Et c'est vraiment ce qui leur tient à cœur de la situation des femmes aujourd'hui en Inde, du viol. Anita Nair et Kishwar Desai ont en commun d'avoir été des journalistes. Traduites en français, hein, disponibles en France. Toutes les deux traduites en français. Je cite le dernier livre publié de Anita Nair, L'inconnu de Bangalore, chez Albin Michel. Et toutes deux ont effectivement comme préoccupation commune le sort de leurs millions de sisters en but qui sont des citoyens de deuxième ou des citoyennes, comme l'on veut, de deuxième ou de troisième classe, confrontées, même quand elles appartiennent à la bourgeoisie indienne, à la violence masculine. On sait que le problème du viol en Inde n'est pas une petite chose. Il touche aussi bien les Indiennes que d'ailleurs les touristes étrangères. C'est le thème du dernier livre de Kishwar Desai, dont nous avions d'ailleurs rendu compte comme d'autres dans Marianne. Et c'est là un bloc de réalité majeur, essentiel pour ces deux écrivaines indiennes. Qui sont journalistes ? C'est bien de l'avoir précisé, Alain Léautier. Est-ce que dans cette partie du monde, puisqu'on parle de la mondialisation du polar, on utilise ce genre, pour ne pas dire ce sous-genre, ou du moins ce genre populaire, pour faire passer des messages, pour décortiquer la situation ? Est-ce qu'on est à peu près dans la même optique qu'un Yasmina Khadra en Algérie qui utilise le polar pour dénoncer la société algérienne, chose qu'il aurait peut-être eu plus de mal à faire en passant par une littérature dite classique? Encore une fois, il ne faudrait pas réduire le polar exclusivement à une sorte de littérature engagée, vériste et réaliste, parce que la fantaisie, la créativité narrative, le jeu avec les formes, fait partie intégrante de la littérature policière. Je suis tout à fait d'accord. Elle a été aussi créatrice, inventive. Elle a bousculé autant les codes narratifs que la littérature dite généraliste et blanche. Reste qu'effectivement, pour toute une génération d'écrivains, notamment dans des pays soumis soit à des dictatures, soit des régimes autoritaires, soit à des démocraties inachevées ou à des démocratisations inachevées. Soit d'autres menaces, je pense, à l'intégrisme. Soit d'autres menaces, ô combien, et vous avez bien raison sur l'intégrisme, elles sont effectivement un vecteur privilégié, commode, accessible au plus grand nombre. C'est le cas par exemple en Afrique, où il y a une très grande littérature généraliste, mais qui est quasiment ignorée. Parce que académique ou parce que trop savante ? Parce que c'est un écrivain de. On en reparlera si vous voulez peut-être plus tard, mais effectivement trop savante, se piquant trop d'occidentalisme, trop inscrite peut-être, même s'il y a beaucoup d'inventions chez les auteurs africains, se piquant peut-être trop d'un certain élitisme narratif. Donc effectivement, dans différentes parties du monde où les démocraties sont imparfaites, oui, le polar est un outil de dénonciation. Alors là, Alain Léautier, vous nous avez parlé de la mondialisation du polar en parlant des auteurs et des pays émergents. Est-ce qu'on peut parler d'une mondialisation du lectorat des polars ? Est-ce que aujourd'hui, aux États-Unis, on peut lire des polars indiens, africains ? Est-ce qu'en Russie, on lit la littérature policière française ? Est-ce que ce genre est en expansion au niveau des lecteurs ? Alors, le genre est en expansion planétaire. Indiscutablement, encore une fois, je distingue mal un endroit de la planète où il n'y a pas une littérature policière de genre existant aujourd'hui, même sous forme modeste. La mondialisation du lectorat, c'est plus compliqué. Elle tient à la fois à des arguments, à des conditions économiques, et par ailleurs, à de la curiosité culturelle et intellectuelle. En Afrique, clairement, seule une petite élite, même si la classe moyenne est aujourd'hui en extension un peu partout, a les moyens d'accéder à la littérature, et y compris à la littérature policière. Et d'ailleurs, quand on y accède, on commence d'abord par la littérature dite noble, la littérature généraliste. Si on prend le cas des États-Unis, clairement, les Américains sont avant tout férus de littérature américaine. C'est clair que les auteurs français, par exemple, qui est quand même l'autre grosse division de l'armée polaire, sont relativement peu lus aux États-Unis. Peu lu et peu traduit. Mais ça, c'est aussi le problème de la littérature française d'une manière générale ces dernières années aux États-Unis. Enfin, c'est pas le lieu d'en parler, mais c'est assez connu. Mais le monde du polar francophone ne s'est pas arrêté à Simenon pour les Américains. Du moins, je l'espère. Non, le monde du polar ne s'est pas arrêté à Simenon, mais les quelques auteurs français qui ont été traduits aux États-Unis ces dernières années n'étaient peut-être pas les plus représentatifs de ce qui fait aujourd'hui la richesse du polar français. Autre sujet dont nous aurons l'occasion de reparler plus au cours de nos émissions. Merci beaucoup Alain Léautier. On se retrouve demain pour la suite de notre série Le Polar dans tous ses états. Je rappelle que vous êtes journaliste à Marianne et que d'ailleurs vous avez coordonné pour Marianne un beau hors-série qui sort cette semaine et qui est consacré au polar. À demain. À demain. Underneath the mango tree, me honey and me come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me make boo-loo-loop soon. Underneath the moonlit sky, me honey and I come sit hand in hand. Underneath the moonlit sky, me honey and I come make fairyland. Mango, banana and tangerine, sugar and ackee and cocoa bean. When we get married, we make them grow, and 9 little child in a row. Underneath the mango tree, me honey and me come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me, we plan marry soon. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Underneath the mango tree. Bonjour Ludivine Bantigny. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste des questions générationnelles, d'engagement et de conscience politique, notamment chez les jeunes. Dernier ouvrage paru, La fabuleuse histoire des journaux lycéens. Une anthologie de 300 pages, une plongée dans 50 ans d'archives, où justement vous montrez bien comment la jeunesse a évolué à travers les journaux lycéens. Et aujourd'hui, sur France Culture, s'ouvre une nouvelle semaine consacrée au rapport qu'entretiennent les collégiens, les lycéens, avec la presse. Aujourd'hui, dans la France de l'après 11 janvier, se pose une question, y a-t-il un divorce entre justement les jeunes, les collégiens, les lycéens, avec la presse française? Y a-t-il suspicion vis-à-vis des médias traditionnels? Et j'aimerais peut-être commencer cette interview en vous demandant à vous, Ludivine Bantigny, spécialiste, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites qui viennent étayer cette impression de divorce, parce que c'est une impression vraiment partagée? Oui, c'est une impression, mais qui en réalité mériterait d'être examinée à l'aune de l'ensemble des générations. Parce que la méfiance à l'égard des médias, et là c'est une généralité, est assez répandue. Donc il y a une volonté de plus en plus, je crois, et notamment chez les jeunes, de faire œuvre de lucidité, de faire œuvre de perspicacité, de tri, de sélection. Et je pense que contrairement à ce qu'on imagine bien souvent et de manière assez intuitive, les jeunes, et des enquêtes le montrent, les jeunes sélectionnent et sont extrêmement attentifs en réalité à l'univers médiatique. En fait, ils baignent dans l'univers médiatique bien davantage qu'on pourrait le croire encore une fois intuitivement. À l'heure du net, des blogs et d'une information sans frontières via le numérique, c'est toujours le même rapport qu'entretiendraient les jeunes français avec la presse? C'est pas du tout le même rapport. Il y a une évolution très nette, par exemple, si vous voulez un chiffre, on va peut-être pas en donner trop, mais entre les années 70 et nos jours, on est passé, en ce qui concerne la lecture quotidienne d'un journal, on est passé de 35% des jeunes qui lisaient dans les années 70 un journal chaque jour à environ 10%. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que les pratiques, en effet, ont évolué, ce qui ne veut pas dire qu'il y a moins de lecture. En fait, ce sont d'autres modalités de lecture de la presse, une lecture beaucoup plus sélective, une lecture par choix, par tri, comme on le sait sur les réseaux sociaux, avec la volonté de recommander tel ou tel article. C'est peut-être une lecture plus fragmentée aussi, hein. Et c'est vrai que le rapport entre génération, et jeunes en particulier, et médias, nous invite à réfléchir au temps social, hein, à la façon dont les temps sociaux sont désormais envisagés, pratiqués, plus de segmentation, plus de fragmentation, mais pour autant, pas moins d'intérêt pour les médias de façon générale. L'après-Charlie a montré, du moins, c'est ce que dit une presse presque unanime, un divorce entre les jeunes et les médias traditionnels. Encore une fois, il y a des sélections d'articles de médias dits traditionnels qui sont des sélections qui sont opérées par les jeunes eux-mêmes. Mais ce qui est de plus en plus notable, c'est que les jeunes fabriquent aussi leurs propres médias. Et ce, à partir d'une synthèse qu'ils effectuent eux-mêmes et elles-mêmes dans la presse traditionnelle. En fait, traditionnelle. Traditionnelle, mais ce qui est vraiment frappant, c'est le côté de forum, et là, le terme doit être pris dans un sens, y compris très, très fort, d'espace public, de mise en commun dans l'espace public. Les blogs, évidemment, la volonté de ne pas être simplement dans la réception, somme toute assez passive, de l'empire médiatique, mais également d'être dans la conception de médias. Et donc ça, c'est tout à fait frappant, notamment quand on observe l'histoire de ces journaux collégiens et plus particulièrement encore de ces journaux lycéens. Ils sont dans la fabrique, dans la production même médiatique, ce qui nous montre qu'en fait, ils ont et elles ont un regard très acéré, très, très vigilant, souvent très perspicace, drôle et subversif sur la presse, et qu'ils entendent s'approprier par le biais d'une conception de journaux à leur tour. Et donc, c'est tout à fait notable de souligner que les journaux lycéens sont vraiment très nombreux. Le Clémy, qui est un centre qui s'occupe justement de recueillir les journaux collégiens et lycéens, compte pas moins de 900 titres chaque année, 900 titres de journaux aussi bien. Alors, évidemment, c'est moins fréquent à l'école primaire, mais ça existe, mais surtout de collégiens et de lycéens, et qui sont véritablement en prise directe avec l'actualité, que ce soit l'actualité internationale. On l'a beaucoup vu ces derniers temps, par exemple, avec l'Ukraine, notamment, ou avec la Syrie. Ces journaux lycéens abordent vraiment frontalement ces questions, avec souvent un recul qui leur est justement permis par l'analyse de la presse, hein, et donc il ne faudrait pas du tout imaginer que ce sont c'est un manque d'information. Tout au contraire, hein, c'est une production à partir de l'analyse de la presse, que ce soit donc en termes de relations internationales et de politique étrangère, que sur des sujets plus directement nationaux concernant en particulier la liberté d'expression. Et c'est vrai qu'après la période du 7 au 11 janvier dernier, on a eu aussi beaucoup d'écrits lycéens ou de jeunes en général. Alors, qu'est-ce qu'ils disent à propos de la liberté d'expression? Alors, qu'est-ce qu'ils disent en substance à propos de la liberté d'expression? Est-ce que c'est pour défendre les dessinateurs de Charlie, pour la plupart? Je pense que votre réponse sera positive, affirmative. Mais... Oui, mais de toute façon, les discours sont extrêmement divers. On peut difficilement faire de généralité, mais évidemment que le choc émotionnel et politique a été ressenti très largement dans la population, mais en particulier chez les jeunes, on l'a bien vu lors des manifestations du 11 janvier. Et c'est en même temps, au-delà de l'émotion, une réflexion, oui, sur la liberté d'expression, sur le fait qu'elle avait été gravement atteinte avec ces attentats. Et ça, c'est la France de tous les quartiers qui dit ça, ou il y a une véritable différence entre la France des grandes villes et la France rurale, la France oubliée et la France active? Est-ce que vous qui lisez Ludivine Bantigny, tous ses écrits, ces journaux lycéens, vous pouvez remarquer des différences notables? Bien sûr qu'il y a des différences sociales, socioculturelles importantes, qui sont, vous l'avez dit, géographiques, mais qui sont en fait essentiellement étayées par le critère de l'effet de diplôme. Ça, c'est vraiment très, très important chez les jeunes, notamment entre 16 et 25 ans. L'effet de diplôme joue beaucoup dans les réactions. C'est-à-dire ? Eh bien, plus on est diplômé, plus on va défendre justement une sorte de liberté de la presse tout à fait ferme, ouverte et très large. À la différence des moins diplômés qui, quant à eux, vont davantage souligner les limites à apporter à la liberté de la presse, en tout cas à la liberté d'expression de manière générale. Il y a beaucoup de débats qui ont été organisés par les enseignants, il faut le souligner, et auxquels ont participé les élèves de collège et de lycée à l'occasion de ce qui a entouré les minutes de silence après les attentats. Et au cours de ces débats, eh bien, pour poursuivre la réponse à votre question sur la liberté d'expression, il était aussi question de savoir jusqu'où celle-ci pouvait aller, quelles étaient ses limites possibles, notamment pour tout ce qui concerne évidemment la question du respect des croyances des uns et des autres. Merci Ludivine Bantigny, merci d'être venue ce matin. Je rappelle que cette semaine sur France Culture, on parlera beaucoup justement de ce rapport des médias, de la presse à l'école. C'était Un autre jour est possible, réalisé par Thomas Duterre et préparé avec Henri Leblanc. Demain, on se retrouve pour la suite de notre série Le polar dans tous ses états, et en deuxième partie, justement, pour parler de polar, je recevrai Patricia MacDonald. Bonne matinée, dans un instant, les informations et une matinale consacrée aux élections départementales. Bonne journée, à demain.